إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. De là apparaît la cause de la création de l'être humain en ce bas monde, qui est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul. Et l'adorer, c'est l'unifier dans l'adoration. Et cette adoration a déjà été définie par les ulama dans la fameuse définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة وباطنة. Que l'adoration soit un mot d'ensemble qui regroupe tout ce que Allah aime comme parole et acte apparent ou caché. Parole et acte apparent ou caché. C'est-à-dire que dans l'adoration, cela englobe les actes du cœur, les actes des membres et les paroles. La parole est régie également par les règles de la religion. Aux règles taklifiyah, c'est-à-dire parmi les paroles, il y a ce qui est obligatoire, comme par exemple le fait de rendre le salam à quelqu'un ou réciter le fatiha lors de la salat et autres. Parmi cette parole, il y a ce qui est mustahab, recommandé, comme par exemple débuter à passer le salam, le passer en premier, dire une bonne parole aux gens. Et parmi cette parole, il y a ce qui est permis, comme les paroles de tous les jours, normal, dans les mu'amalat, dans les relations, dans le commerce et autres. Il y a parmi les paroles ce qui est makrouh, détestable, comme mathalan, poser trop de questions ou la curiosité inappropriée. Il y a la parole qui est interdite, qui est muharram, comme les paroles qui contiennent du shirk, du kufr, ou les grossièretés, ou le mensonge, ou namima, le riba ou le zalika. Dans le genre qui est interdit, il y a les paroles, comme nous avons dit, qui sont shirkiyat, qui amènent au shirk ou au kufr. Et dans ces cinq règles que nous venons de citer, il y a les paroles qui prennent le jugement direct, et il y a les paroles qui, elles, emmèneront à tomber dans ce jugement. C'est-à-dire des paroles qui peuvent être permises de base, mais qui vont emmener une chose qui est détestable. Ou une parole qui est permise de base, et qui pourra engendrer par la suite du shirk. C'est-à-dire c'est une chose qui n'apparaît pas forcément en son début. Tout comme il y a des paroles qui sont également de la bid'a, qui rendent dans la bid'a l'innovation. À titre d'exemple, les afkar, évocation que font les soufis, comme le fait de répéter Allah, Allah, Allah à tout va en cœur, ou autre. Et il y a les paroles qui sont, comme nous l'avons dit, elles, du péché. Qu'est-ce qui y mène? Wa qala subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole juste. Il vous pardonnera vos péchés et réformera votre situation. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes réussi d'une victoire éclatante. Cheikh al-Islam dit par rapport à ce verset, que Allah Azza wa Jal a lié la foi à la piété. Lorsqu'il a dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah. Et ensuite, il a lié la parole juste à la crainte, à la piété. Qalattakullaha wa qulu qawlan sadida. Craignez Allah et dites une parole juste. Et lorsque le mot taqwa est donné seul dans l'absolu, rentre dedans justement la parole juste. Une parole qui contient du bien et une parole qui est basée sur du ilm et qui apporte un khayr. Et le khayr, c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de dire. Comme on dit, car la bonne parole, comme nous l'avons dit, est liée à la foi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. Que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise. Et le fait de dire du bien, c'est une chose qui est vaste, qui est très large. Ça va dans ce qui est obligatoire, ça va dans ce qui est recommandé, et ça va dans ce qui est permis, qui amène à khayr. Naam. Donc nos paroles nous en tiendront compte au Yawm al-Qiyamah. Si elles sont bonnes, on en aura des récompenses. Et si elles sont mauvaises, on en tirera des péchés. On en tirera des péchés. Et le domaine de la parole est très large. Car souvent les gens disent des choses dont ils ne mesurent pas les conséquences par la suite. Quelqu'un va te dire ce que je dis, c'est normal, il n'y a pas de mal. On dit au début, il n'y a pas de mal. Mais par la suite, cela peut amener à un mal. Ou alors, ta parole-là peut amener une porte, ouvrir une porte à des gens qui veulent faire du mal. لِيَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَا وَجَلْ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا رَاعِنَا وَكُلُوا انْذُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ô vous qui avez cru, ne dites pas رَاعِنَا. رَاعِنَا, ça veut dire, dans la traduction, favorise-nous. Mais dites, regarde-nous. Et écoutez. Et les mécréants auront un châtiment douloureux. Pourquoi Allah Azza wa Jal a dit aux croyants de ne pas dire Ra'ina, favorise-nous, alors que le sens à la base il est correct. Et que eux, lorsqu'ils le disaient, ils avaient une intention qui était correcte. Parce que le mot Ra'ina, les Yahouds, les Juifs, s'en servaient le même terme, mais sous un autre sens, qui amenait à une insulte au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car Ru'una, c'est comme le fait de rendre une personne stupide ou bête. Donc les Yahoud allaient prendre cette même phrase et la dire au Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le sens où ils allaient l'insulter. Donc de là, Allah azza wa jalla a interdit aux croyants d'employer ce terme-là et de prendre un autre terme qui a un sens similaire mais qui est plus clair et qui ferme les portes. Comme lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit de répondre aux gens du livre lorsqu'il croisa des Yahoud et lui dire Assalamu alaykum. Il leur a dit « Wa alaykum ». Pourquoi ? Car eux, ils n'ont pas dit « Assalam », ils ont dit « Assam », qui est la mort. Et lorsqu'on parle vite, on ne fait pas attention, on ne se rend pas compte de ce qu'ils disent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, savait très bien ce qu'il disait. C'est pour cela qu'il leur a répondu « Wa alaykum ».« Wa alaykum ». C'est-à-dire que ce que vous avez demandé pour nous, qu'il soit sur vous. Donc des gens, des fois, vont prendre des paroles qui peuvent paraître normales, innocentes, et s'en servir en mal. Donc de là, il y a des limites à mettre et faire attention à ce que l'on dit. Et aussi dans les mauvaises paroles, il y a les paroles qui sont employées par les ennemis de l'islam. Wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kama rawahu l'imam Ahmed, bu'istu bayna yaday as-sa'a bi sayf hatta yu'badu Allah wahda la sharika lahu. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الظل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بكم فهو منهم. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'étais envoyé aux prémices de l'heure avec l'épée, c'est-à-dire pour combattre, jusqu'à ce que Allah soit adoré seul, sans associé, et que ma subsistance m'a été attribuée sous l'ombre de ma lance, c'est-à-dire par le butin du djihad. Et que l'avilissement et le rabaissement sera pour ceux qui se seront opposés à mon ordre. Les gens qui ne suivent pas son ordre, sa sunna, seront avilés. Et le shahid du hadith, ce qui nous concerne, il a dit, et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et la ressemblance à un peuple, cela est une chose qui est large, ça peut être la plus grave dans la croyance, qui peut amener à sortir de l'islam. Ça peut être dans l'apparence également, ça peut être dans la gestuelle, et également dans le parler. Des choses qui sont propres aux kuffars, à leur rite, à leur coutume, et qui n'ont pas d'origine dans l'islam, cela ne doit pas être prononcé par le musulman. Donc cela sont différentes choses pour nous mettre en garde de l'usage de notre langue, de la façon dont l'employer, car cette langue, comme nous l'avons dit au début, est régie par les règles de l'islam. Donc de là, j'avais choisi de lire ce livre qui est Al-Manahi Al-Lafziyya, que l'on traduirait par les termes ou formules ou expressions interdites à l'emploi. Mais on parle de quoi ? En religion. Qui est un livre de Cheikh Mohammed ibn Salih ibn Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, qui en réalité sont des questions-réponses, où le Cheikh est interrogé sur certains termes et répond quant à leur jugement. Et c'est des questions courtes et des réponses courtes, qui amèneront à des audios qui sont courts, biznillah ta'ala. Il est possible que parfois je saute certaines questions, parmi celles qui se répètent par exemple, ou celles qui on ne trouve pas d'équivalent en français. Car là, c'est surtout histoire de pouvoir faire profiter aux francophones. Car des choses qu'en langue française, on ne trouve pas forcément. Donc, il n'y aura pas de vraiment utilité à les citer ou même à tenter de les traduire. Et s'il y a besoin de faire un commentaire ou quelques ajouts ou quelques remarques, on les fera, biznillah ta'ala. Fahada, c'était la muqaddima par rapport à ce qui va suivre. Et par la suite, débuteront les durus relatifs à ce livre. Fabiad al-Qad Naktafi, والحمد لله رب العالمين.